بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc الحمد لله. On va commencer aujourd'hui le cours numéro 54. J'ai écrit 53. Je m'excuse. J'ai fait une erreur. Donc c'est le 54 aujourd'hui. Dans le livre de Umdatul Ahkam, le Sharh du Cheikh Abdullah Al-Bassam, rahimahullah ta'ala. C'est un des élèves de Cheikh Sa'di, rahimahullah. Donc, on est arrivé aujourd'hui à un nouveau chapitre, ou bien un nouveau sous-chapitre parmi les sous-chapitres de la salat, c'est Babul Mururi Bayna Yaday al-Musalli. C'est-à-dire le chapitre au sujet de les règles, des règles au sujet de passer devant la personne qui est en train de faire la salat. Donc, c'est quoi les règles à ce sujet-là? Donc, le premier hadith qu'on va expliquer aujourd'hui, ou bien le hadith par lequel on va commencer l'explication aujourd'hui, c'est le hadith numéro 103, al-hadith al-thalithu ba'd al-mi'a, an Abi Juhaym ibn Sila, ou ibn Simma, et na'am, an Abi Juhaym ibn Simma, al-Ansariyu, الأنصاري رضي الله عنه تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي أخرجه البخاري ومسلم وقال أبو النضر لا أدري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة نعم. Donc ici le hadith en question, le hadith 103 ici dans Umdatul Ahkam, il est rapporté selon Abu Juhaym ibn Simma al-Ansari radiyallahu anhu, qui a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: si la personne qui marche ou qui passe devant la personne qui prie savait ce qu'elle avait comme péché en faisant cela, eh bien, elle aurait préféré rester 40. Hein? Ou bien plutôt, il aurait été mieux pour elle de rester debout 40 pour attendre qu'elle termine que de passer devant celui qui prie. Et Abu Nadr, il dit, je ne sais pas si il a dit 40 jours, ou 40 mois, ou 40 ans. Et le hadith, il est rapporté par Al-Bukhari. Peu importe que ce soit 40 ans ou 40 jours, 40 ans, 40 mois ou 40 jours, yani, même 40 jours, c'est beaucoup. Hein? Même 40 jours, c'est beaucoup. Donc, c'est pour dire que yani, ça nous montre la gravité de passer devant quelqu'un qui est en train de faire la salat. Et il dit, en note de bas de page, il y a une note ici, il dit « وقال الصنعاني رحمه الله لقد لفظ من الإثم ليس من الفاظ البخاري ولا مسلم وقد عيب على الطبري نسبته هذا اللفظ إلى البخاري وكذلك عيب على صاحب العمدة نسبته يعني نسبته هذا اللفظ إلى الشيخين معا. Ok, donc il mentionne que la mention ici dans le hadith min al-ithmi, c'est-à-dire ce qu'il a comme péché, et As-San'ani, il a mentionné que cette parole, c'est-à-dire de péché, ce n'est pas mentionné dans les termes ni de muslim, dans le hadith ni de muslim, ni de al-Bukhari. Donc c'est un ajout. Et on a blâmé At-Tabari d'avoir attribué cette formulation à l'imam al-Bukhari. Et également, il a été blâmé à l'auteur de Umdatul Ahkam d'avoir attribué cette formulation également à al-Bukhari et Muslim ensemble. Donc, le hadith, c'est un hadith qui est rapporté par al-Bukhari et Muslim, excepté que du péché, yani min al-ithm, ça fait pas partie du hadith. Donc, ce qu'ils ont comme péché, yani c'est sous-entendu. Mais il faut pas penser que cette version-là comprend cette mention-là. Et il dit ensuite par rapport à la signification générale du hadith, al-ma'na al-ijmali, al-musalli waqifun bayna yaday rabbihi yunajihi wa yunadihi. فإذا مر بين يديه في هذه الحال مر يعني فإذا مر بين يديه في هذه الحال مار قطع هذه المناجاة وشوش عليه عبادته، لهذا عظم ذنب من تسبب في الإخلال بصلاة المصلي بمروره. فأخبر الشارع أنه لو علم ما الذي ترتب على مروره من الإثم والذنب لفضل أن يقف مكانه الآماد الطويلة على أن يمر بين يدي المصلي، مما يوجب الحذر من ذلك والابتعاد منه. Donc ici le cheikh il explique que la personne qui est en train de faire la salat, elle est debout devant son Seigneur et elle est en train de l'implorer, de le supplier, de l'invoquer. Et c'est comme si elle était en train elle était dans une discussion avec son Seigneur. Et donc, par conséquent, celui qui vient passer devant celui qui prie alors qu'il est en train de prier, eh bien, c'est comme s'il vient couper cette communication-là. Et donc, il vient déranger la personne dans son adoration. Et c'est pour ça, et c'est ce qui explique la gravité de ce péché-là. Hein, le péché de celui qui a été la cause de, justement, comme si on veut, pas l'interruption, mais disons, le fait d'avoir fait en sorte que la personne ait une imperfection dans sa salat ou quelque chose qui vient nuire à sa salat, à la perfection de sa salat en passant devant lui alors qu'il était en train de prier. Donc ça, c'est très important. Puis le cheikh, il explique ensuite, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien plutôt ici, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que le cheikh il a expliqué ça en utilisant le terme ash-shari'. Et ash-shari', c'est le législateur. Et le législateur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, il s'agit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque c'est basé sur le hadith. Donc, il dit, le cheikh ici, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que si la personne savait le péché qui découle du fait de passer devant la personne qui est en train de prier, si elle réalisait la grandeur de ce péché-là et tout ce qu'il y a comme conséquence à ce péché-là, eh bien, elle aurait préféré rester debout à sa place une longue période de temps plutôt que de passer devant lui. C'est ce qui nous oblige à faire attention à ça et à nous écarter complètement de ce genre de faute. Mais ma yu'khadhu min al-hadith, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith-là par rapport aux règles? Le cheikh il dit « Tahrim al-murur bayna yaday al-musalli idha lam yakun lahu sutra. Amma al-murur bayna yadayhi ou baynahu wa baynaha idha kana lahu sutra. Ou al-murur baynahu wa baynaha idha kana lahu sutra. » Donc ici, le cheikh il mentionne comme premier point l'interdiction de passer devant la personne qui prie si il n'a pas de sutra. Et il dit, ou bien si il avait de passer entre lui et la sutra qu'il avait placée devant lui. Donc dans les deux cas, c'est pas permis de passer devant lui. Deuxièmement, wujub al-ibti'ad 'an al-murur bayna yadayhi wa li hadha al-wa'id al-shadid. Donc l'obligation de s'écarter, de passer devant la personne qui est en train de faire la salat et la menace qui est mentionnée, hein, la menace sévère qui est mentionnée à ce sujet-là. Thalithan, أن الأولى للمصلي أن لا يصلي في طرق الناس. ولا في الأمكنة التي لا بد لهم من المرور بها لأن لا يعرض صلاته للنقص ويعرض المارة للإثم. Donc ici un point important, le cheikh il dit il est préférable et il est mieux pour la personne qui fait la salat de ne pas prier dans un endroit où les gens passent, dans le chemin, de ne pas prier dans le chemin où les gens passent ou bien dans les endroits où les gens n'ont pas le choix de passer pour éviter justement de faire en sorte que sa prière soit affectée ou déficiente à cause de ça. Et aussi pour éviter qu'il fasse en sorte que les gens qui passent tombent dans le péché à cause de lui. Donc des fois il y a des gens comme ça, ils ne tiennent pas compte des choses, ils ne réfléchissent pas avant d'agir. Et donc qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent dans n'importe quel lieu, dans n'importe quel endroit pour faire la salat. Et peut-être qu'ils vont se mettre exactement à l'endroit où les gens sont obligés de passer. Puis après, le pire, c'est que certains d'entre eux, quand ils vont se mettre à cet endroit-là et que quelqu'un va essayer de passer devant eux, ils vont se fâcher et peut-être même qu'ils vont essayer de se battre avec la personne par rapport à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans le hadith qu'on va expliquer justement après celui-là, que celui qui insiste à passer alors qu'il le combatte parce que c'est un shaitan. Eh bien, ça, c'est un exemple de personne qui n'a rien compris en réalité. Parce que tu ne peux pas agir de cette façon-là, puis après espérer que les gens vont juste attendre que tu termines ta salat pour que les gens puissent passer. Donc, la personne qui agit comme ça, elle est responsable de qu'est-ce qui lui arrive. Et elle doit donc éviter de se mettre dans ces endroits-là. Et ça, ce n'est pas seulement lorsque... les personnes autour de lui sont des non-musulmans, parce que des fois, il y a des gens qui vont prier au travail ou prier dans des lieux publics, puis après, il y a des gens qui veulent passer devant eux. Alors là, ils se mettent dans des situations difficiles à cause de ça. Et des fois, c'est même dans des endroits où les gens ont besoin de passer, même si c'est dans un pays musulman. Des fois, les musulmans, ils sont sur un chemin ou quelque part, ils veulent passer, il y a une porte ou une route ou un couloir. Ils ont besoin de traverser ou ils ont besoin de passer. Et puis, la personne est en train de prier à cet endroit-là. Et il y a des gens, parfois, peut-être, qui sont pressés ou qui sont en retard ou qui ont un rendez-vous ou qui ont des choses à faire. Et à cause de cette personne qui bloque le passage, ils sont dans une difficulté. Donc, la personne en question, là, elle ramasse des péchés dans sa prière. Pourquoi? Parce que elle se met dans un endroit où elle avait pas elle n'était pas supposée de prier déjà en partant. Donc, ça, c'est un point important à tenir compte. Ensuite, le cheikh, il dit « Chakrawi fil arba'in » هل يراد بها اليوم أو الشهر أو العام ولكن ليس المراد بهذا العدد المذكور الحصر وإنما المراد المبالغة في النهي فقد كانت العرب تجري ذلك مجرى المثل في كلامهم عن إرادة التكثير كقوله تعالى إن إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ولهذا ورد في صحيح ابن حبان وسنن ابن ماجة من حديث أبي هريرة لكان أن يقف 100 عام خيرا من الخطوة التي خطاها. Donc ici le cheikh explique que le narrateur a douté en ce qui concerne le chiffre qui est mentionné 40. Est-ce que c'était 40 jours ou 40 mois ou 40 ans? Et le cheikh, il dit que le but qui est voulu par ce nombre, ce n'est pas le nombre en tant que tel, mais plutôt, ou bien c'est pas, disons, dans le but de limite, que ce soit pour restreindre la question à un nombre, mais plutôt c'est dans le but de montrer à quel point c'est extrêmement grave, cette interdiction-là. Et donc, parfois, il dit que dans la façon dont les Arabes parlent, parfois, ils veulent exprimer, par exemple, quelque chose pour faire comprendre la grandeur de quelque chose ou bien le grand nombre de quelque chose. Ils vont mentionner un nombre comme ça. Et l'exemple de ça, c'est dans le verset 70 dans Sourate At-Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit par exemple, même si tu demandais pardon pour eux 70 fois, ce ne serait pas Allah subhanahu wa ta'ala ne leur pardonnerait pas. Et donc c'est pour ça que, par exemple, il est mentionné dans une narration de Sahih ibn Hibban, de même que dans Sunan ibn Majah, d'un hadith rapporté selon Abi Huraira radiallahu anhu, qu'il a dit, par exemple, même si quelqu'un restait 100 ans debout, ce serait mieux pour lui que de prendre un pas, de faire le pas qu'il a fait. Et ensuite, il dit, Amma fi Makkah, faqad qala Shaykh al-Islam, law salla al-musalli fi al-masjid, والناس يطوفون أمامه لم يكره سواء مر أمامه رجل أو امرأة. Donc le cheikh il explique ici, il dit que en ce qui concerne la Mecque, il dit que si par exemple, il dit que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a mentionné que si par exemple il faisait la salat et que quelqu'un par exemple dans la mosquée à la Mecque, quelqu'un faisait le tawaf devant, il passait devant lui pendant le tawaf, alors que lui il fait la salat, il dit ce serait pas dans ce cas-là détestable, peu importe que la personne qui passe devant lui soit un homme ou une femme. Donc ça c'est pour faire comprendre qu'il y a des explications et des opinions dans ce sens-là chez les ulama de l'islam, il clarifie cette question-là, même s'il y a des ulama, j'ai entendu par exemple certains parmi les ulama à notre époque, certains d'entre eux ont dit qu'il n'y a pas de différence, que ce soit la Mecque ou Médine, sur l'interdiction de passer devant quelqu'un qui fait la salat. Yani, c'est interdit dans tous les cas. Et certains ulama, ils ont mentionné, yani, l'importance par rapport à la sutra, hein, de prendre une sutra lorsqu'on prie. Pour éviter que justement quelqu'un se permette de passer entre nous et notre sutra. Et également la question de celui qui prie par exemple qui n'a pas une sutra. Donc la distance qui est permise de traverser par rapport à cette personne, certains ulama ont clarifié par rapport à ça que ce n'était pas une distance indéfinie ou illimitée. Par exemple, ce ne serait pas par exemple 3 mètres ou 4 mètres, par exemple, devant la personne. Si quelqu'un passait devant la personne à cette distance-là, il n'y aurait pas de problème. L'interdiction de passer devant la personne qui prie, qui n'a pas de sutra, c'est la distance qui correspond à l'endroit où la personne elle va se prosterner, c'est-à-dire à la distance de là où il pourrait avancer son bras, s'il allongeait. Et non pas une distance indéfinie. Par exemple, si quelqu'un est à l'arrière de la mosquée et qu'il prie sans prendre une sutra en plein milieu de la mosquée, eh bien, ça va pas, disons, faire une ligne droite jusqu'à l'avant de la mosquée que les gens n'ont pas le droit de traverser. Mais c'est plutôt juste la distance de ce qui est en avant de lui. Ou bien, par exemple, si la personne priait, par exemple, sur un tapis, eh bien, ce serait le bout de l'extrémité ou le bord de son tapis serait la limite, ce serait la limite de l'endroit où on n'aurait pas le droit de passer devant la personne. Mais si on passe devant la personne, mais plus loin que le bord de son tapis, alors dans ce cas-là, il n'y aurait pas d'interdiction. Naam. Et juste avant de prendre l'explication du hadith suivant, je vais juste prendre un instant. Je reviens tout de suite. Ok. Donc, pour le hadith suivant, qui est le hadith 104, dans Umdatul Ahkam, Cheikh Abdul Ghani Al-Maqdisi, il a mentionné le hadith suivant. Il dit, « An Abi Sa'idin Al-Khudri, radiyallahu anhu, qal, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان أخرجه البخاري ومسلم. Donc ici le cheikh il dit que il est rapporté selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu que il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: lorsque l'un d'entre vous fait sa salat devant quelque chose qui le couvre des gens, c'est-à-dire devant une sutra, il a shay'in yasturuhu. Donc il s'agit ici de la sutra. Donc il prie devant quelque chose qui le couvre et qui empêche les gens de passer devant lui. Fa'arada ahadun, donc quelqu'un, si quelqu'un dans ce cas-là voudrait passer entre lui et sa sutra, ou bien passer devant la personne, eh bien qu'il la repousse avec son bras, qu'il la repousse. Et si la personne insiste à essayer de passer, c'est-à-dire la personne elle refuse de s'abstenir de passer là, alors falyuqatilhu, c'est-à-dire qu'il se batte, qu'il combatte la personne pour la repousser. Il dit parce que c'est uniquement un diable, c'est un shaitan. Et le sens général de ce hadith-là, le cheikh il dit: إذا دخل المصلي في صلاته وقد وضع أمامه سترة لتستره من الناس حتى لا ينقص صلاته بمرورهم بين يديه وأقبل يناجي ربه فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه بالأسهل فالأسهل فإن لم يندفع بسهولة ويسر فقد أسقط حرمته وأصبح معتديا والطريق لوقف عدوانه المقاتلة بدفعه باليد فإن عمله هذا من أعمال الشياطين الذي يريدون إفساد عبادات الناس والتلبيس عليهم في صلاتهم. Donc ici le cheikh il explique que lorsque quelqu'un il entre dans sa salat, c'est comme si il avait placé devant lui à ce moment-là une sutra pour faire en sorte que les gens ne viennent pas diminuer sa prière en passant devant lui. Donc la personne elle commence sa salat, elle met une sutra. Il dit que là il est en train de s'adresser à son Seigneur. Alors si quelqu'un vient et puis il essaie de passer devant la personne à ce moment-là, alors il va la pousser, il va la repousser de la façon la plus simple, et la plus simple et la plus facile possible. Il dit لَوْكَانَ الْمُرَادُ بِالْأَسْوَدِ لَمْ يُعَبَّرْ بِالدَّفْعِ يعني ولهذا أردفه بالمقاتلة إذا لم يمتنع وقصة أبي سعيد مع آل أبي معيط تشهد بذلك. نعم. donc c'est ça. Ok, donc ici il le combat, c'est-à-dire il va commencer par la méthode la plus simple pour commencer. Essayer de voir si il met son bras pour la bloquer, pour empêcher la personne de passer, sans nécessairement utiliser une grande force. Juste, il va mettre son bras pour lui indiquer qu'il est en train de faire la salat. Mais si la personne, elle continue, et que malgré qu'elle a mis son bras à la personne, elle veut absolument essayer de passer par là, eh bien, dans ce cas-là, la personne, elle a montré qu'elle n'a pas de respect. Et donc, à ce moment-là, il peut la repousser avec plus de force, puisque c'est une personne qui transgresse. Et ça, c'est le travail ou c'est l'action des diables, des shayatines, qui veulent essayer de corrompre les adorations des gens, hein, et leur faire des problèmes dans leurs adorations et dans leur salat. Donc, il peut utiliser plus de force à ce moment-là pour repousser la personne. Le cheikh, il mentionne ensuite les règles qui sont mentionnées par rapport à ce hadith-là, et il a mentionné 11, 11 points. Donc, il commence avec le premier. مشروعية السترة للمصلي ليقي صلاته من النقص أو القطع. Donc il dit premièrement, on voit ici que d'utiliser ou d'employer une sutra pour faire la salat, c'est quelque chose qui a été légiféré. Et le but de la sutra, c'est pour préserver notre salat et pour empêcher qu'elle soit diminuée ou coupée par quelqu'un. Et bien entendu, la sutra, elle a des conditions et elle a des règles. Et parmi les règles que ou bien les conditions que les ulama ont mentionnées, c'est que elle doit être d'une certaine hauteur. Et les ulama, ils ont mentionné, par exemple, la hauteur d'une selle d'un chameau, hein, la hauteur d'une selle qu'on met sur un animal. Donc, ça doit être d'une certaine hauteur. Donc, c'est pas suffisant comme certains parfois qui mettent juste un trait par terre ou un bâton ou un stylo par terre pour essayer de montrer aux gens que ils sont en train de faire la salade pour délimiter l'espace. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui est surélevé et qui a une certaine hauteur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, souvent, qu'est-ce qu'il prenait pour mettre comme sutra? Il utilisait parfois une lance qu'il plantait dans le sol, hein, de façon verticale. Puis aussi, parfois, il pouvait utiliser une selle de sa monture ou bien il y en a quelque chose qui était suffisamment haut. Ensuite, il explique le point numéro 2, mashrouiyatu qurbihi minha. ليتمكن من رد من يمر بين يديه بينه وبينها يعني ليتمكن من رد من يمر بينه وبينها ولئلا يضيق المرة. Donc il dit, il est légiféré d'être proche de la sutra pour être capable justement de repousser toute personne qui voudrait essayer de passer entre lui et la sutra. Donc, si tu prends une sutra, tu te mets pas à, disons, 2 mètres de ta sutra. Tu essaies d'être le plus près possible de ta sutra pour faire en sorte que quelqu'un ne puisse pas passer devant, ou que si quelqu'un, justement, essaierait de passer devant ta sutra, eh bien, tu serais en mesure de l'empêcher. Et en même temps aussi pour éviter de bloquer le chemin aux gens s'ils veulent passer, donc tu vas pas trop prendre d'espace derrière toi, donc tu t'approches de ta sutra. Le point numéro 3, ثالثا تحريم المرور بين يدي المصلي بين سترته لأنه من عمل الشيطان. Donc le cheikh explique que il y a l'interdiction aussi de passer devant la personne qui est en train de faire la salat, de passer entre lui et sa sutra, parce que ça fait partie des actes du shaitan. Rabi'an, donc le quatrièmement, man'u man yuridu al-murur bayna yaday al-musalli wa bayna sutratihi wa yakunu bi isharatin aw tasbihin awwalan. فإن لم يندفع منه ولو بدفعه لأنه معتد. وقال القاضي عياض والاتفاق على أنه لا يجوز له المشي في مقامه إلى رده لأن ذلك في صلاته أشد من مروره عليه. Donc le cheikh il explique que, il faut empêcher la personne qui veut passer devant lui de le faire. S'il veut passer entre lui et sa sutra, il faut l'empêcher. Et soit parce que la façon de l'empêcher, il dit, c'est soit par une indication. La personne qui prie, elle lui fait un signe, hein, avec la main ou pour lui faire comprendre qu'elle fait la salade, ou bien par un tasbih. Hein, donc elle va dire Subhanallah ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est en premier lieu. Et il dit, si la personne, elle ne s'arrête pas, hein, malgré que la personne, elle lui a fait signe, eh bien, dans ce cas-là, elle doit l'empêcher en la repoussant, parce que c'est une personne qui transgresse. Et il dit ici que Al-Qadi Iyad, rahimahullah, un des imams parmi les imams des salafs, un des ulama parmi les salafs, Al-Qadi Iyad, il disait que les savants sont d'accord pour dire qu'il n'est pas permis pour lui de marcher, hein, pour arriver à le repousser, d'avancer à l'endroit pour être capable de le repousser. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il soit à une distance trop loin pour qu'il ait à marcher jusqu'à la personne pour l'empêcher de passer. Et ça ramène encore une fois le point qu'on a mentionné tout à l'heure, que il faut que la personne soit proche de sa sutra. Parce que c'est pire dans ce cas-là, s'il commence à marcher pour arriver jusqu'à la personne, c'est pire que yani, de la personne qui veut essayer de passer devant lui, hein, que c'est ce qu'il fait en se déplaçant pendant sa salat, eh bien c'est pire que ce que la personne fait en essayant de passer devant lui. Donc ça, c'est la parole de Al-Qadi Iyad. Ensuite, il dit, le point numéro 5, أن المدفوع لو تسبب موته من الدفع يعني لو تسبب موته من الدفع فليس على الدافع ذنب ولا قود لأن دفعه مأذون فيه وما ترتب على المأذون فيه غير مضمون أو نعم غير مضمون. Donc il dit ici le cheikh que supposons que la personne essaie de passer devant lui. Hein, toi, tu essaies de l'empêcher. Hein, quelqu'un essaie de passer devant toi. Toi, tu la repousses. Et en la repoussant, la personne, elle tombe puis elle meurt. Il dit le cheikh que dans ce cas-là, il n'y aurait pas de péché pour toi, ni de talion. Hein, on n'aurait pas à appliquer sur toi une peine quelconque, comme du fait que tu as causé sa mort. Pourquoi? Parce que c'était permis pour toi de la repousser. Et donc, tout ce qui découle de cette permission-là implique que tu ne seras pas yani, coupable ou responsable de ce qui en découle comme conséquence. D'accord? Ensuite, le cheikh, il dit, الحكمة في رده سادسا الحكمة في رده أن لا يقع في الصلاة خلل ولأن لا يقع المار في الإثم. Donc le cheikh il dit que parmi les sagesses, le point numéro 6, c'est que la sagesse du fait de repousser la personne quand elle essaie de passer devant celui qui prie, c'est pour justement faire en sorte que la personne, elle n'ait pas de déficience ou de manquement dans sa salate ou d'erreur dans sa salate, hein, parce que quelqu'un va venir l'interrompre dans sa prière en passant devant lui, et en même temps aussi pour éviter que la personne qui essaie de passer ait un péché. Et le point suivant, سابعا ما تقدم من دفع المار ومقاتلته وعدم الضمان في ذلك لمن جعل أمامه سترة، أما من لم يجعل سترة فليس له حرمة لأنه المفرط في ذلك كما هو مفهوم الحديث. Donc il dit ensuite le cheikh que ce qu'on a mentionné à propos du fait de repousser la personne qui prie, du fait de ce qu'on a mentionné au sujet du fait de repousser la personne qui essaie de passer devant celui qui prie et de le combattre, et le fait que la personne en question, elle ne sera pas tenue responsable pour les conséquences de ce qu'elle fait lorsqu'elle est en train de la repousser, si jamais il arrivait quelque chose à la personne lorsqu'elle le pousse, s'il se blessait ou s'il tombait par la suite à cause de ça. Le cheikh, il explique que ça, c'est uniquement dans le cas ou la situation où la personne qui était en train de faire la salat avait placé une sutra devant lui. Toutefois, si la personne en question, elle n'avait pas placé de sutra devant lui, alors dans ce cas-là, ça ne s'applique pas. Et c'est elle qui était négligente. Et ça, c'est ce qu'on peut comprendre dans le hadith en question. Le point numéro 8. Le cheikh, il explique ici que il dit que anna mudafa'ata kulli sa'ilin yakunu bil ashal fal ashal. Fala yajuz mubadaratuhu bil shiddati hatta tanaffada wasa'il al-lin. Donc le point numéro 8, c'est un point important. Il dit le fait de repousser tout agresseur, ça doit toujours commencer par les moyens les plus doux et les plus simples en premier, et ensuite d'avancer comme ça de plus simple au plus dur. Et il n'est pas permis de débuter directement avec le plus dur au commencement. Et il faut avoir épuisé tous les moyens qui sont doux en premier, avant d'avoir recours aux moyens plus durs. Le point numéro 9, ذهب الجمهور إلى أنه لو مر ولم يدفعه فلا ينبغي له أن يرده لأن فيه إعادة للمرور. Donc le cheikh, il dit, la majorité des savants sont de l'avis que si la personne est passée devant quelqu'un qui est en train de faire la salat, sans que la personne qui est en train de faire la salat le repousse, eh bien, il n'a pas à le faire reculer ou le ramener à son point de départ. C'est-à-dire que si, par exemple, quelqu'un est passé devant toi, puis là, il a fini de passer, mais tu ne dois pas comme l'attraper puis le ramener de l'autre côté ou le ramener à son point de départ, comme on le voit parfois de la part de certaines personnes. Quand quelqu'un passe devant eux, la personne, elle a fini de passer, puis c'est après qu'elle est presque rendue l'autre côté qu'elle l'attrape puis elle le ramène à son point de départ. Il dit non, ça c'est pas correct, parce que dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de la faire repasser une deuxième fois devant lui. Hein? C'est comme s'il lui fait repasser encore une fois devant lui en faisant ça. Donc ça, c'est pas correct. Le point numéro 10, يعني وذكر ابن دقيق العيد أن المصلي يختص بالإثم دون المار إذا لم يكن للمار مندوحة عن المرور، وقال يشتركان في الإثم إذا كان للمار مندوحة وتعرض له المصلي. Donc ici le cheikh, il explique que Ibn Daqiq al-Aid, il a mentionné que la personne qui est en train de faire la salat, eh bien c'est elle qui aura le péché et non pas celui qui passe devant lui, si la personne qui essayait de passer devant lui avait suffisamment d'espace pour passer. Et il a dit que ils ont tous les deux un péché si la personne qui voulait passer avait de l'espace pour passer, et que yani, la personne qui prie essaie de le repousser. Donc, c'est-à-dire que la personne qui a une sutra, puis qui laisse une longue espace devant lui pour laisser passer les gens, puis qui essaie de les repousser par la suite, ça, c'est lui qui est dans l'erreur dans ce cas-là. Parce que il s'éloigne de sa sutra, puis il laisse passer les gens. Puis après, il essaie de les repousser parce qu'il passe. Ça, c'est pas correct. Mais s'il se rapprochait de sa sutra depuis le départ, eh bien, c'est clair que les gens pourraient pas, et auraient pas autant de tentations à passer devant lui. Et le point numéro 11, إذا كان العمل في الصلاة لمصلحتها فإنه لا ينقصها ولا يبطلها لأنه شيء جائز. Donc, on sait que dans la salat, les ulama, ils ont mentionné que de bouger, hein, de trop bouger, c'est parmi les choses qui peuvent annuler la salat. Et le cheikh, il dit que par contre, dans ce hadith, on a la preuve que lorsque quelqu'un fait un travail ou bouge ou fait des actions qui font partie de la salat ou qui ont un lien avec la salat, eh bien, dans ce cas-là, ça ne diminue pas la salat ni ça ne l'annule. Hein, parce que c'est quelque chose qui est permis. Donc, si quelqu'un, par exemple, pendant sa salat, il fait un geste ou des mouvements qui ont un lien avec la salat, comme ici, par exemple, la personne qui va repousser celui qui essaie de passer devant elle. Hein, donc, ici, elle bouge et fait des mouvements. Mais étant donné que c'est relié à la salat, ça n'annule pas sa salat. Et c'est comme, par exemple, la personne comme Cheikh Ibn Uthaymeen, il a mentionné par rapport à celui qui. Pendant la salat, il a son téléphone qui sonne. Eh bien, par exemple, il va prendre son téléphone dans sa main et l'ouvrir ou le débloquer et couper la sonnerie ou l'éteindre complètement et le remettre dans sa poche. Et il dit, s'il fait ça, ça n'annule pas sa salat. Pourquoi? Parce que ce qu'il est en train de faire en faisant ça, eh bien, ça fait partie des intérêts ou des bienfaits de la salat elle-même, puisque ça va faire en sorte qu'il va pouvoir faire sa prière et rester concentré dans sa prière. Donc, ça ne va pas annuler sa salat. D'accord? Donc, ça, c'est un point important. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui par rapport à ce cours et on continuera, inshallah, la suite au prochain cours, bi'idhnillah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.